Une question de diplomatie par Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. Le ministre des Affaires étrangères était alité. Il avait la goutte. Pendant une semaine, il était resté enfermé chez lui. Il avait manqué de conseils de cabinet à un moment où les événements pesaient lourdement sur son département. Il est vrai qu'il avait un excellent sous-secrétaire d'État et un admirable cabinet. Mais le ministre était un homme d'une expérience si consommée, d'une sagacité si éprouvée, que les affaires restaient en suspens en son absence. Quand sa main ferme était au timon, le grand vaisseau de l'État poursuivait sa route aisément, doucement. Quand elle n'y était plus, il tanguait, chancelait, jusqu'à ce qu'une douzaine de journalistes anglais se levaient dans leur omniscience et traçaient 12 voies différentes, dont chacune était la seule qui pût conduire au port. C'est alors que l'opposition disait des sottises et que le Premier ministre adressait au ciel des prières pour son collègue absent. Le ministre des Affaires étrangères était assis dans son cabinet de toilette, dans le grand édifice de Cavendish Square. C'était en mai. Le jardin du square étendait comme un rideau de verdure devant la fenêtre, mais malgré le soleil, un feu craquait et pétillait dans la grille de la chambre du malade. Dans un grand fauteuil de peluche rouge, était assis le grand homme d'État, la tête appuyée en arrière sur un oreiller de soie, la jambe allongée, reposant sur un support ouaté. Son visage accentué, finement ciselé, ses yeux boursouflés, lents à se mouvoir, était tourné vers le haut, vers le plafond peint et sculpté, avec cette expression impénétrable qui avait fait le désespoir de ses collègues du continent à l'occasion du fameux congrès où il avait paru, pour la première fois, dans l'arène de la diplomatie européenne. Cependant, à ce moment, le pouvoir de cacher ses impressions, si habituelles chez lui manquait, car les lignes de sa bouche forte et droite, les plis de son front large et bombé, indiquaient suffisamment l'inquiétude et l'impatience qui le consumaient. Et certes, il en avait assez pour irriter un homme, car il avait bien des choses auxquelles il devait penser, et le pouvoir de penser lui était enlevé. Il y avait par exemple la question de la Dobroudja et celle de la navigation des bouches du Danube qu'il convenait de suivre pour les régler. Le chancelier russe avait envoyé sur ce sujet un mémoire écrit de main de maître et c'était l'ambition favorite de notre ministre d'y répondre d'une façon digne de sa réputation. Puis c'était le blocus de la Crète et la flotte britannique qui mouillait au large du cap Matapan, attendait des instructions qui pouvait changer le cours de l'histoire européenne. Enfin, restait encore l'incident de ces trois malheureux touristes de Macédoine, dont les amis s'attendaient à tout moment à recevoir les oreilles ou les doigts, à défaut de la rançon exorbitante que l'on exigeait. Il fallait les faire revenir de ces montagnes par la force ou par la diplomatie, où le public outragé déchargerait sa colère sur Downing Street. Toutes ces questions exigeaient une solution et cependant voilà que le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre était cloué dans son fauteuil, toutes ses pensées, toute son attention concentrées sur son gros orteil droit. C'était humiliant, horriblement humiliant. Cela révoltait sa raison. Il avait le respect de lui-même, le respect de sa propre volonté. Qu'était-ce donc qu'une machine qui pouvait être totalement hors de service par l'inflammation d'un petit cartilage? Il gémissait et s'irritait sur ses coussins. Mais après tout, était-il absolument impossible qu'il se rendît à la chambre? Peut-être le docteur exagérait-il la situation ?